Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Lille et vous écoutez la 284e de Goodbye Kevin, meilleure émission de radio de l'univers. À toi Pierrot, comment ça va? C'est clair, ça va très bien, je faisais partie du jury, donc je peux vous dire qu'on s'est élus. Et voilà, c'est autoproclamé. C'est la dictature. C'est ça, parce qu'on est des tyrans. Mais bon, comme c'est nous le peuple... ça nous va. On nous terrorise. Qu'est-ce que tu as prévu de beau aujourd'hui dans ta petite sélection? Petite sélection, peut-être par le nombre, mais pas par le talent. On va débuter avec la dernière sortie du label AD93. Très bien. Je me dis qu'il revient souvent, hein, ce label AD93. Il n'est pas dans le 9-3. Hein. Le 93, ça doit être pour une date de naissance, on va se dire ça. Oui. On ira ensuite en Australie, on n'a pas eu le temps de les écouter la semaine dernière. C'est des Australiens qui nous font une pop lo-fi mélodique. Et après on va partir sur de la néo-soul teintée de l'ambiance des années 80. Les années 80 reviennent souvent, hein. C'est la mode, hein. C'est la mode. Alors, pour moi c'était les années ringard. La mode, un éternel recommencement, comme on le dit si bien. Après on va se prendre une bonne dose de shoegaze français, s'il vous plaît, madame, et une baguette de pain. Et on va finir par un dance floor tribal. Ok, très bien. Et ben, moi, je suis un peu désolée pour ma petite sélection, mais c'est un peu le hasard de la vie et de mes coups de cœur qui a voulu. Mais j'ai une sélection très british, mis à part une envolée états-unienne à un moment. Du coup, on va commencer par de la pop electronica d'Angleterre, du post-punk noise de l'Ohio. Ça, c'est mon envolée états-unienne. Ensuite, on retourne à Londres deux fois de suite pour du post-punk expérimental cette fois, et puis si on a le temps, on ira écouter un petit jazz cosmique du nord de Londres. Voilà le programme. Sympa. Sympa. Les termes sont lâchés. You never end, c'est ce que me disait ma mère quand j'étais petit, c'est-à-dire tu finis jamais ton assiette. Ce qui est faux, je la fixais toujours. Non, You never end, c'est le nom du troisième album de Moine, je sais pas comment on dit. Moine, je pense. En tout cas, c'est un trio composé de Valentina Magaletti, Tom Alston et Joe Andrews. Et c'est sorti sur le label AD93 en octobre dernier. Et Moine, moi, c'est un peu un groupe qui m'a un peu fasciné. Ils font une sorte de rock indépendant et expérimental. Et je sais pas, c'est les productions qui sont un peu bizarres. Il y a un côté électronique... Il y a des interludes électro-acoustiques. Bon, bref, c'est un peu spécial. Mais sur cet album, il marque un renouveau, puisqu'en fait, là, ils font des collaborations vocales. Avant, on n'était que sur l'instrumental. Et là, tu as plusieurs chanteurs qui viennent faire du spoken word. Et ma foi, c'est très riche. C'est un peu sombre. C'est déconstruit. C'est super cool. Et le projet est porté par Valentina Magaletti, qu'on voit un peu partout. On l'a vu également avec le guitariste de Vanishing Twins. Bon, oui. Bref, où elle faisait une sorte de dub pareil, expérimental. Bon, bref, c'est quelqu'un qui est ces temps-ci, elle est souvent dans mes playlists et sur plein de projets différents. Donc, on va écouter deux morceaux de Moine. On va écouter Guess It's Wrecked et Cubby de Rosé. What it's worth, I guess it's wrecked. Pulled up on the curb outside, at least what's left. Don't forget, if I could take you for a long drive, I could get lost, but I can't get found. Still with over on my side. We can get in, but we can't get out. When it hurts, I put my foot down. Doesn't change a thing. It's not what I meant. If I could take you out for a ride, we can come up, but we can't come down. Taking it out on a long drive, I can go through, but I can't get around. I regret what I got. Don't regret what I said. No money for rent. I put my foot down. If I could take you out for a ride, we could come up, but we can't come down. Take it over on my side. I can get through, but I can't get down. Only live in the moment. We only live in the moment. We only live in the moment. Only live in the moment. C'était Moyne, avec extrait de leur dernier album qui est sorti le mois dernier. Bon, ça va, c'était sombre, mais c'était pas non plus dark. Ah non, après moi j'aime beaucoup. Hein. Bah oui, on enchaîne avec Mystery Time, qui est le dernier projet d'Eyman Rostom, précédemment connu sous le nom de The Maghreban dans les années 2010 pour son projet House, mais également sous le nom de Dr. Zygote pour son projet hip-hop qu'il avait entamé à la fin des années 90. Là, Mystery Time, ça part sur une sorte de pop, lo-fi, new wave, electronica, même si bon, le côté new wave, moi je l'entends pas forcément beaucoup, mais bref, sur laquelle, du coup, cette petite pop, il pose sa voix pour la première fois. Petit point en commun avec Moyne, voilà, parce que lui, en fait, ses projets avant, c'était que de l'instrumental. L'album s'appelle Maudlin Tales of Grief and Love, et ça parle principalement de son addiction aux opiacés. Et du coup de ses relations avec autrui et de comment tout ça, ça a évolué avec sa paternité récente. C'est sorti en octobre sur le label Vicious Charm Recordings et nous on va écouter un morceau qui s'appelle Thank You Deeply et tu vas voir, c'est assez sympa. Mystery Time avec Thank You Deeply. très chouette, ouais, cette voix un peu à la Baxter Dury. Bah ouais, il a failli, dis-toi, ne pas enregistrer lui-même. Il avait prévu de filer. En fait, il a écrit des textes qu'il a filés à quelqu'un d'autre et tout pour qu'il les interprète. Et en fait, cette personne lui a dit bah, mais gros, chante, parce que t'as une belle voix. Et ses proches lui ont dit bah, chante. Et voilà, il a eu raison. Moi aussi, je chante. J'y ai pensé fort. C'est une référence à un film, hein, pour tout vous dire. Frangin malgré eux. Voilà. Peut-être que c'est des frangins, le duo que je vais évoquer, qui s'appelle The Green Child, qui ont sorti leur nouvel album, duo formé de Mike Young, duo australien, hein, Mike Young qui est dans Total Control, Eddie Current, Suppression Ring, à peu près tous les groupes qu'on peut connaître en Australie, dans la veine garage, rock, garage punk. Et il s'associe avec Raven Mahon, qui est lui dans le groupe Grass Window. C'est un peu plus calme. Ils sont toujours sur l'excellent label Upset the Rhythm, qu'on évoque assez souvent. Et leur album Look Familiar est une sorte de do-it-yourself pop aux accents synthétiques, mélancoliques et lumineuses. Oh. C'est très très doux, c'est très très chouette. Et nous, on va écouter Arrows and Microtones des Green Child. c'était Arrows and Microtones des Green Childs. Très chouette et très doux, en effet. Ça va, oui. C'était le morceau qui clôturait l'album, c'était juste ça. Et ben, c'est un très beau morceau. Ça va changer avec ce que je vais te proposer juste après. Eux, ça fait presque un an que je les ai dans mon viseur et que j'attends patiemment qu'ils sortent leur nouvel album. Ils avaient sorti un single en janvier, mais je ne sais pas, pris séparément, pour moi, ça manquait d'une petite pointe de quelque chose pour bien m'accrocher, tu vois. Et là, un peu par hasard, je me suis rendu compte que cet album-là, l'album, le dit album, était sorti en octobre. Du coup, j'ai écouté, du coup, j'ai kiffé et du coup, je vais vous le partager parce que, en fait, c'est trop, trop bien. Le groupe s'appelle Corker, ils viennent de Cincinnati dans l'Ohio et leur deuxième album Always of Grey est sorti chez Philit Records, très très chouette label soit dit en passant, qui fait partie aussi comme tu l'as dit avec Upset the Rhythm, des labels qu'on aime bien. Les deux, on peut les relier, ouais. C'est ça. Là, on est sur du post-punk qui tire sur la cold, voire la dark wave dans les sonorités. Et encore, moi je trouve qu'il y a aussi un petit côté noise et punk dans le sens où on est sur des morceaux assez rythmé, assez énervé, assez péchu, tu vois. Bref, c'est très chouette. C'est un peu mon coup de cœur de la semaine, même si je vous réserve encore des petites pépites. On va écouter deux morceaux pour la peine. Le premier qui s'appelle Night Ride, qui est génial. Et le deuxième qui s'appelle Dependency, et qui est très très cool aussi. Donc c'est les Corkers tout de suite. C'était deux extraits du dernier album de Corker. Ça valait le coup d'attendre. Hein. Très très bien. Ça me fait penser un peu à Crack Cloud. Oui. Mais sur les morceaux plutôt pop de Crack Cloud, parce qu'ils font des trucs bizarres. Moi, le premier morceau me faisait penser à Crime of Passing, là. Ah, ok, tu vois, tout à fait. Voilà. Je sais même pas s'ils sont pas de Cincinnati aussi. Ah, bah, Cincinnati. Chin-chin. On va poursuivre là, style bien différent. Un artiste qui est plutôt gros, qui s'appelle JMSN. Bon, j'attendais une réaction, même un peu. JMSN. Jameson. Jameson, peut-être, effectivement. C'est un crooner californien. Qui est plutôt dans la soul contemporaine. Il a été adoubé par Kendrick Lamar et il en est à, il a fait 6-8 albums, donc il est connu, il produit, il fait beaucoup de choses. Et donc il a sa musique, ses productions, elles font des rythmes chaloupés, langoureux, hein, qui font tout le charme de la neo soul. Et sur cet album, il rajoute une esthétique années 80, album qui s'appelle Velvet. Et donc c'est imprégné de synthé, des mélodies entêtante et aussi des boîtes à rythme avec un brin kitsch. Donc voilà, il y a un côté très pop, très glamour, c'est assez chouette, assez chic. Et moi je suis tombé sous le charme du morceau Inferno, qu'on pourrait mettre dans la BO d'un film des années 80. Voilà. Et je trouve que c'est plutôt grand public, en tout cas ça a beaucoup d'écoute, même si ça reste un peu en niche néo-soul, hein. Je pense les spécialistes ou ceux qui écoutent ça régulièrement disent mais oui, très connu. Mais pour moi, qui suis un couidam, je suis tombé par hasard dessus. Donc Inferno de JMSN ou Jameson, comme les puristes peuvent dire. Inferno. groovy, funky, souli. Bah oui, je dansais un peu des épaules. Inferno de JMSN, Jameson, Jamesrider. On sait pas. Et ben direction le sud de Londres avec le quintet de Moresh Idols qu'on vous a déjà présenté dans l'émission, il me semble. Moresh, Moresh. Ouais, c'est sûr et certain. Ouais. Alors pareil, eux ils s'ancrent dans la mouvance post-punk, mais ils s'autorisent la blinde d'expérimentation en allant taper dans le dub, dans l'art rock, dans le jazz, etc. Ce qui fait que ça donne des albums un peu changeants. Ça peut être un peu frustrant quand t'aimes bien un groupe et que leur deuxième album change du tout au tout. Mais comme ça peut être très très cool, si comme moi vous aimez bien un peu les groupes qui explorent et qui se redéfinissent à chaque nouveau projet, c'est un peu comme si c'était une petite pochette surprise, tu vois. Je sais plus si c'était dans le documentaire sur Orelsan ou bon bref, que les albums c'est un peu comme un train. Tu sais plus. Et en gros, le premier album, bah, les gens montent dedans. Et après, ça va au quai suivant. Bah, soit ils montent dans le deuxième album ou dans l'autre, ouais. Ils sortent, tu vois. Okay. En fait, il y a un côté, une allégorie, j'en sais rien. Est-ce que c'est le terme ? Je ne sais pas. Mais oui, c'est un peu ça, quoi. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Donc voilà. Et là, c'est le cas pour eux. Oui, bah si, c'est le cas aussi. Mais c'est le cas aussi pour mon autre groupe. Et comme les deux groupes sont très similaires. Voilà. Bon, là, on va se concentrer sur Moresh Idols avec le morceau Slosh qui est issu de leur deuxième album. J'ai pas noté le nom, mais cet album-là est sorti chez Speedy Wonderground et Pias. D'ailleurs, je sais même pas si c'est leur deuxième album. Moi, j'ai mal fait mes devoirs, mais ouais. L'album, comment il s'appelle ? Ouais. Bah non, j'ai que le single. Bah c'est pas grave. Donc on écoute Moresh Idols avec le morceau Slosh. Slosh. Slosh. C'était Morey Shaidol. Bah ok, d'accord, la chanson qui n'en finit pas. C'est beau. Bah là c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'elle disait Lotte? Elle disait c'était Morey Shaidol. Elle vous a parlé d'un deuxième album. Pas du tout, il n'y en a même pas un premier. C'est que des singles et des EP. Donc voilà, j'ai fait un mix entre ce groupe-là et le morceau, le groupe suivant que je vais vous passer. Enfin, pas là tout de suite, puisqu'il y a le tien, Pierrot. On va y arriver. Bon, on reste à quai pour le moment. C'est chaotique. Hein, on reste à quai. On reste à quai. Avec mon allégorie avec des trains. Avec ton allégorie des trains. Ah. Eh ben, on écoute Illes avec leur album Coin de l'œil, qui est leur premier album de ce groupe parisien, groupe qui fait du shoegaze. Il est conjointement sorti sur 3 labels, pas mal. Pas mal. Aiden Bay, un label toulousain. Sef Suburban Home, je pense qu'on a déjà passé, un label britannique. Et Indie or Die, un jeune label. Globalement, bah, ils ne réinventent pas le genre. Mais ça fait du bien si vous avez un peu trop écouté dernièrement vos disques de ride ou de slow dive. moi, je trouve ça assez efficace. J'ai lu quelques chroniques qui disaient « Oui, bon, un peu tous les morceaux se ressemblent, après on est perdu, ça sort pas du lot. » Tout est toujours est-il que moi, quand j'ai écouté l'album, j'ai trouvé ça très cool et je me suis dit « Ça, c'est très bien. » Donc, on va écouter « Waterslide » de Illes, sorti sur ce qui est présente sur l'album « Coin de l'œil ». respiration. Et c'était Iles avec le morceau Water Slide. Bah, c'était très chouette, je suis bien d'accord avec toi. Hein? Et puis voilà, tous ceux qui font du post-punk à la Molchat Doma, on leur dit rien. Alors, à la Molchat Doma. Ah oui, oui. Donc, voilà, comme Ploho, comme je sais plus quoi et tout, on leur dit rien. Et bah alors là, ne dites rien. On dit c'est bien. Voilà, on dit c'est bien. On enchaîne avec Squid, dont on vous a déjà parlé eux aussi. D'ailleurs, de toute façon, c'est pas étonnant, c'est la même scène que Moray Shadol, que Black Midi, que Black Country New Road même. Il y a pas mal de similitudes dans la manière d'écrire, d'explorer, de se renouveler. Et ils ont annoncé la sortie de leur troisième album qui va s'appeler Cowards et qui est prévu pour février. Ils ont annoncé cette sortie avec un single sorti mi-novembre chez Wrap Records, encore un label qu'on aime bien. Et franchement, quand je l'ai écouté, je suis tombée littéralement sur le cucu. Très honnêtement, à mon sens, je trouve que c'est leur meilleur morceau jusqu'à présent. Mais après, ça n'engage que moi, même si j'ai quand même un peu raison. Bref, voilà. On vous rappelle qu'on est la meilleure émission au monde. Voilà, et qu'on est une dictature. La dictature du bon goût. Donc, sans plus tarder, on va écouter Crispy Skin, qui est... Meilleur nom de titre en plus. Ben oui, qui est super, super. C'est Squid, c'est Crispy Skin. J'adore. Change. C'était Squid avec leur dernière single Crispy Skin. Voilà, moi c'est une de mes pépites. Voilà, j'adore. Et pour terminer cette émission, on va rester un peu dans l'expérimentation ou en une tentative de fabriquer le son du futur avec les high-tech. High-tech qui viennent de Détroit et qui essayent de repenser le son ghetto-tech de Détroit. Ça rappe des trucs un peu débiles sur des voies trafiquées. Ça va dans tous les sens, ça va très vite. On peut dire du 170 BPM. En tout cas, il y a un côté groovy, quoi, je sais pas, il y a un côté smooth, et en même temps ça bouge. C'est bizarre, c'est high-tech. On va écouter le morceau Moneyphone qui est issu de l'album Détroit. Et vous voyez, on est sur le futur. C'est une dictature, c'est ça le futur, c'est tout. Mama phone, they better be plus money. It better be plus money. It better be plus money. If that nigga call my phone, it better be plus money. It better be plus money. It better be plus money. If that bitch call my phone, it better be plus money. It better be plus money. It better be plus money. If they wake me out my sleep, it better be plus money. It better be plus money. It better be plus money. Call my phone, it better be plus some money. It better be plus some money. It better be plus some money.